Les deux frères. Deux frères avaient hérité un beau champ qu'ils cultivaient ensemble. L'un des deux était marié et avait plusieurs enfants, l'autre vivait seul. Lorsque le temps de la récolte arriva, ils nouaient leurs gerbes et en faisaient de monceaux pareils. Pendant la nuit, le frère célibataire eut une idée géniale. Il se dit que son frère avait à nourrir une famille et qu'il nécessitait plus de blé que lui. Il décida aussitôt de prendre une gerbe de son thym et de l'ajouter sur celui de son frère sans que ce dernier se rendît compte. Dans la même nuit, l'autre frère dit à sa femme « Mon frère a jeûne et vit seul. Il manque d'amis qui l'aident et le consolent. Laisse-nous lui rendre service et apporter quelques gerbes à son thym. Je suis sûr qu'il ne devinera jamais quelque chose. » Le lendemain, chaque frère se rendit au champ et fut complètement surpris de voir les deux tas qui étaient encore pareils.